Dans la situation 2, c'est à moi de faire l'écart pour le piéton. Et laisser 1,50 m latéralement, c'est gêner la voiture qui arrive en face. Une seule solution, ralentir et s'arrêter si besoin. Dans la situation 1, ce n'est pas à moi de faire l'écart, mais conduire en sécurité, c'est prévoir. Je ne sais pas ce que le conducteur de la voiture en face va faire. S'il ne ralentit pas, le passage à 3 de front va être très très chaud. Gare au rétro et aux fesses du piéton. La solution est de ralentir aussi. Cela me donne un peu de temps pour voir comment se comporte le conducteur en face. Réponse A et C.